prophète alayhi salatu wassalam, il dit Allah est miséricordieux envers ses serviteurs plus que la miséricorde de cette femme envers son fils. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande mon pardon, je lui pardonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se repentir, j'accepte son repentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande une chose, je lui donne. Les péchés, les fidèles, les troupes arrivent sur le cœur comme des flèches. Et Allah Azza wa Jal, il est content de toi si tu reviens sur le chemin quand tu te repens. Qu'attends-tu? الحمد لله على توفيقه وامتنانه الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه شيخ خير شيخ شيخ le mal tout le mal de continuer et être entêté à poursuivre ses péchés et être englouti dans ses péchés le mal tout le mal de rester à faire des péchés, de jour comme de nuit, à continuer de combattre Allah Azza wa Jal, la catastrophe, toute la catastrophe. C'est savoir comme quoi tu fais un péché et continuer à faire ce péché. Il n'est pas temps de revenir sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et te dire comme quoi je fais ce péché et de l'approuver et d'avoir la conviction que Allah Azza wa Jal, si tu te repens avec un repentir sincère, il accepte ton repentir. Et comme il a été rapporté dans le hadith sahih, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, le repentir sincère efface ce qui est passé comme péché. Le repentir sincère efface ce qui est passé comme péché, tout comme l'islam efface ce qui est passé comme mécréant. Donc celui qui rentre dans l'islam, alors qu'il est mécréant, Allah fait disparaître et efface ce qui a été passé comme péché. Dans plusieurs hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam nous montre l'importance du repentir. Ici, Allah Azza wa Jal voulait du mal à sa communauté et aux gens. Il n'aurait pas fait ouvrir cette porte du repentir. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans une même assise, il répétait plus de 100 fois, Allah, je te demande pardon et je me repens envers toi. Car c'est toi qui acceptes le repentir et tu es le miséricordieux. Plus de 100 fois, alors que Allah Azza wa Jal, il lui a pardonné ses péchés futurs et passés. Qu'est-ce qu'on dirait de nous? Qu'est-ce qu'on dirait de nous? Et il a été rapporté par At-Tabarani et il a été authentifié. Le hadith a été authentifié par Cheikh Albani pour te montrer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith, le serviteur d'Allah Azza wa Jal, quand il commet un péché, on regarde bien la rahma. Le serviteur d'Allah Azza wa Jal, quand il commet un péché, l'ange de gauche, il prend sa plume, il la lève pendant 6 heures. Tu commets un péché, l'ange de la gauche, il prend sa plume, il la lève pendant 6 heures. Si tu te repars et tu demandes pardon, il jette la plume. Et si tu ne te repens pas, il l'écrit comme un péché. Rahma, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu une femme prendre son enfant dans ses bras. Le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a vu. Il a dit à Sahaba radiallahu anhum, est-ce que vous croyez que cette femme pourra jeter son enfant dans le feu? Ils ont dit, Sahaba, non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est son enfant. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, Allah est miséricordieux envers ses serviteurs plus que la miséricorde de cette femme envers son fils. Allah est miséricordieux. Allah descend le tiers de la nuit, le dernier tiers, il descend. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande mon pardon, je lui pardonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se repentir, j'accepte son repentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande une chose, je lui donne. Mais on est où à ce moment-là? Qatada ibn Du'am, il te dit, dans le Coran, il y a votre maladie et votre remède. Quant à votre maladie, c'est les péchés. Quant à votre remède, c'est la demande du pardon et le repentir. Toute personne commet des fautes. Le prophète alayhi salam te dit, toute personne commet des fautes. Et les meilleurs de ceux qui commettent des fautes, c'est ceux qui se repentent. C'est ceux qui se repentent. Et Aïcha radiallahu anha, wa sahih anna wa qawla Aïcha. Aïcha radiallahu anha, c'est pas la parole du prophète, mais c'est la parole de Aïcha, elle dit, gloire, touba. C'est une grande chance, c'est une grande faveur à celui qu'on trouve le jour de la résurrection. Beaucoup de demandes de pardon dans son livre. Allez, sirfar, demandez pardon à Allah Azza wa Jal. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith, les péchés, les fitaines, les troubles arrivent sur le cœur comme des flèches. Une personne a te dit, viens, on va voler cette maison. Viens, on va faire ci, tu tombes dans les péchés. Les péchés arrivent sur les cœurs comme des flèches. Regarde cette image, cette description que le prophète alayhi salatu wassalam te donne. Celui qui repousse ce péché, il te dit non. Crains Allah Azza wa Jal. Celui qui repousse ce péché, Allah Azza wa Jal lui met un point blanc sur son cœur. Et celui qui tombe dans ce péché, il succombe à ce péché, Allah Azza wa Jal lui met un point noir. Un autre péché vient, tu tombes dedans. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a un péché qui arrive, tu tombes dedans. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal, jusqu'à ce que ton cœur il devient noir. À ce moment-là, le prophète alayhi sallam a dit, cette personne, elle ne sait plus la différence entre le bien et le blâmable. Elle ne sait plus ni où le bien. Elle ne connaît plus la vérité. Elle ne peut pas poursuivre son chemin. Elle est égarée. Donc, ne continue pas. Ne sois pas entêté à continuer à faire tes péchés. Et dis-toi que le Ramadan il arrive. C'est pas la dernière semaine, tu vas arriver et tu vas dire c'est bon, je vais me repentir. Pose-toi des questions. Allah, le prophète, alayhi salatu wassalam, tu dis si mon serviteur, le hadith à Qudsi, tu dis si le serviteur se rapproche de moi d'un impant, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je viendrai envers lui en courant. Et même si tes péchés atteignent le ciel et que tu te repens sans que tu associes à rien à Allah subhanahu wa ta'ala, dis-toi que Allah accepte ton repentir. Ne dis pas que c'est bon, j'ai fait beaucoup de péchés. Toi qui aujourd'hui passes des nuits à regarder des films, t'es englouti dans les péchés, il n'est pas temps de revenir. Et Allah Azza wa Jal, il est content de toi quand tu reviens sur le chemin et quand tu te repens. Qu'attends-tu? Allah dans un hadith, le prophète alayhi sallam, il dit dans un hadith qui est long, en bref, une personne elle sort avec sa monture, avec son zèle, puis elle perd sa monture dans le désert et elle perd les besoins qu'elle avait dessus. Quand, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans un endroit et elle s'assoit jusqu'à ce que la mort arrive. Pendant qu'elle est assise, elle se réveille et elle voit sa monture devant elle. Et avec tous les besoins, tout le manger qu'elle avait, qu'il y avait sur la monture. Subhanallah, le prophète alayhi sallam, tu dis, Allah, il est plus content de cette personne. Allah, il est content lorsque le serviteur se repent, plus que le contentement de cette personne quand elle retrouve sa monture. Allah aime ceux qui se repentent. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah t'aime. Donc arrête et cesse le combat. J'appelle ça un combat que tu mènes. Ceux qui commettent des péchés et qui s'entêtent à continuer à faire des péchés, à manger les intérêts, par exemple, ils savent que c'est haram. Ils sont en train de combattre Allah Azza wa Jal. Nasa Allah Azza wa Jal an yatouba alayna tawbatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma inna hadha al-du'a wa minka al-ijabah wa hadha al-juhd. وهذا الجهد عليك التكلان اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تدخل علينا رمضان إلا وغفرت لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخير.